enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Mama's got a boom boom stand, a boom boom stand. She's in a boom boom stand, and my papa's got a wooden spoon in his hand, and he hits my mother in a boom boom stand. Here we go! Got a boom boom stand, a boom boom stand. She's in a boom boom stand. My papa's got a wooden spoon in his hand, and he hits my mother in a boom boom stand. And I bet, and I bet, and I bet with you, it's stress poor on any virgins anymore. And I bet, and I bet, and I bet with you, it's stress poor on any virgins anymore. Meanie, meanie, mama's got a boom boom stand, a boom boom stand. She's in a boom boom stand, and my papa's got a wooden spoon in his hand, and he hits my mother in a bomb bomb stack. Comes and tumbles down with her crooked knee, she falls on the ground. Zim zam zoom, and before she knows, she's up to her neck in a deep, deep shit. Boom boom stand, a boom boom stand. She's in a boom boom stand, and my papa's got a wooden spoon in his hand, and he hits my mother in a boom boom stand. And I bet, and I bet, and I bet with you, in Strasbourg aren't any virgins anymore. And I bet, and I bet, and I bet with you, in Strasbourg aren't any virgins anymore. Meanie, meanie, mama's got a boom boom stand, a boom boom stand. She's in a boom boom stand, and my papa's got a wooden spoon in his hand, and he hits it's my mother in a bum bum stand! Bubba, bubba, here we go! Meanie, meanie, mama's got a bum bum stand, a bum bum stand, she's in a bum bum stand. And my papa's got a wooden spoon in his hand, and he hits my mother in a bum. And I bet, and I bet, and I bet with you, it's Strasbourg aren't any virgins anymore. And I bet, and I bet, and I bet with you, it's Strasbourg aren't any virgins anymore. Meanie, meanie, mama's got a boom boom stand, a boom boom stand, she's in a boom boom stand. And my papa's got a wooden spoon in his head, and he hits my mama in a boom boom stand. Meanie, meanie, mama's got a boom boom stand, a boom boom stand, she's in a boom boom stand. And my papa's got a wooden spoon in his head, and he hits my mama in a boom boom stand. Have you fait un beau voyage, Monsieur Grenier? Oh, on a fait un bien beau voyage, Jean-Gaétan. On est parti, excusez-moi. C'est des gaz horaires. Pour les gens qui ne connaissent pas l'avion, là, les gaz horaires ne savent pas ce que c'est. Là, mais, avec Gaétan, on était dans la section improvisation de l'avion. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si on allait faire des dallos. Et puis, on s'est comme lancé. Mais savez-vous que nous, on a pris la version pas trop de budget parce qu'on voulait tout donner là-bas à nos invités. Des bouchées, du champagne, du rosé, du rose, du clair. Seul l'envoyer en l'air. Puis donc, on est parti en 250 passagers en avion au lieu de se propulser. Parce que vous savez qu'un avion se propulse, madame? Vous n'avez pas fini votre école, là? Vous avez fini l'école de la vie? Ça, c'est la merveille. Oh non, vous avez raison. Pour tout connaître, surtout le genre humain, là. En même temps, l'école de la vie nous amène souvent à la misanthropie. à trop connaître le genre humain, on se recule, on examine, on se recule, on examine, on se recule. C'est de la vermine? Non, c'est trop petit, on voit rien, on voit rien. On s'avance pas, non, on s'avance, on se recule, on s'en va. On s'en va loin dans la forêt, avec les arbres, les renards. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, j'ai vu le loup, le renard passer, j'ai vu le loup, le renard, le lièvre, j'ai vu le loup, le renard. Mais hey! On est parti! 250 passagers propulsés par nos propres jambes. C'était la première fois qu'on quittait le sol à Québec en pédalant pour monter vers le ciel. Pas une blague, ça, là. E.T. a rien inventé. La Speedbird, les tues mayonnaise, là, c'est de la blague, ça. Ça, c'est du cinéma. Nous, on est en direct. On l'a vécu. On avait mis des sprinteurs au début, en avant. Les plus âgés en arrière, on se disait, écoutez, mettez ça sur... sur le vélo, comment ça s'appelle? Pas stationnaire, là, mais électrique, comme mon scooter, électrique. Parce que moi, j'ai un scooter. On va enlever toute l'essence parce que ça coûte trop cher. On n'a pas les moyens financiers. Le reste du temps, on va planer, madame. On va se laisser aller. Puis le fleuve, n'ayez pas peur. L'eau, là, on a mis des grosses... on parle pas de vous, là. On dit des grosses, mais des gros ballons. elle sent-tu concerné, cette dame-là? Non, pas vos ballons, mais des grosses sphères plastifiées. Non, mon Dieu Seigneur. Des gros, excusez-moi pour le vacuum. Des grosses sphères plastifiées gonflées presque à l'hélium, parce qu'on avait 35% de budget pour l'hélium, mais on en a manqué pendant trois grosses ballons. Puis on a placé ça en dessous, là. En dessous des roues, on a tout enlevé les roues, c'est pas important, c'était nos vélos à nous. Et on s'est lancé à un moment donné, là, il y avait un imbécile avec des drapeaux. On connaît ça, nous autres, là, hey. La Formule 1, on a déjà regardé ça à TV, là. On n'est pas des imbéciles. On est des Québécois connaissants, là. On est des petits Joe connaissants. On connaît tout, mais on sait rien, voyons. Là, laissez-nous, là. Enlevez-vous, là. Les pompiers étaient à côté, là. Et ça pompait, les pompiers. On les appelait c'est les pompeurs-pompiers. Les quoi? Les sapeurs. Ça s'appelle. Ils vont l'avoir. Hey, les sapeurs, arrêtez de saper là. Sapez-nous la paix. Sapez-nous la paix. Allez jouer aux cartes. Prenez du Ricard. Ricalinez-vous. Partez, partouze. Fallait juste dire partout. Ah, mon doux Seigneur, ça a déchiré leur linge. C'est des vrais. Non, mais avant ça, c'était dans l'armée constructif, ça, là. On leur disait, on va les vaincre, on va... Quand on doctrine le peuple de même, imaginez-vous que... Bon, en tout cas, tout ça pour dire que... on est parti, on pédalait, et on écoutait de la belle musique, là, tu sais, du Zamphir, Zamphir pour tous, pour les initiés, là, puis même les non-initiés, on s'est unifié pour Zamphir, on dit, regarde, lui, il souffle dans ses tympans, c'est pas un tympan, c'est quoi, c'est pas du diapason, ça. C'est des flûtes en béco, là, puis... C'est pas une harmonica, comment t'appelles ça, non? Mais... Ah ouais, la scribe, ah ouais. La recherchiste recherche. Hein? Zamphir, et c'est... Ouais, c'est comme l'orgue, là, mais avec la bouche. C'est un géant qui joue de l'orgue. Bon. Et puis, hey, ça, je vais m'en vouloir quand je vais m'y réécouter. Là, je vais me dire, voyons. Donc, c'était ça, cet instrument-là. Là. Un instrument à vent. J'ai eu vent un jour que ça s'appelait de la... En tout cas. Et puis, alors, on l'avait placé en avant, lui, sur scène, pour nous inspirer. Fait qu'il nous a joué le lac de Combes. On pédalait. Et puis là, on s'est lancé. Puis là, le pilote, on criait après le pilote, « Lève le manche! »« Mais ça va, nous, lève le manche! » On a bien beau pédaler, mais on va manquer de respiration. Il y a du monde qui vont crever, crise cardiaque. Pas tout le monde en santé comme nous autres, là. On s'est entraîné, nous autres, dans notre bain, là. Arrête de dire nous autres. OK, on s'est entraîné dans notre bain. On regardait l'eau tomber, puis on se disait, OK, si l'eau tombe de même, mes pattes vont suivre comme ça. Vont rentrer, vont sortir. Là, à un moment donné, je me suis dit, moi, quand je suis né, là, ben, en fait, quand j'ai été conçu, c'est comme ça que j'ai été conçu, moi, là. Tout le monde a été conçu comme ça en majorité, mais parce que là, en 2015, la donne a changé. Imagine-toi quand la fille qui s'est faite inséminer, vous dites, ben moi, écoute, c'était autrement. Là, il y avait une petite seringue, puis à l'intérieur, il y avait une chose, là. Quelle chose? Quelle affaire? Genre de mayonnaise. Une mayonnaise. T'es né de la mayonnaise, toi. Beau concept. T'es la première fille mayonnaise. Non, mais c'est pas de la mayonnaise, là. Mais c'est quelque chose qu'ils ont mis dans une seringue, tu sais, des crémeux, là. Ben, je sais pas, c'est quoi? C'est... Herme. Herme, quoi, herme? Ferme-la, qu'est-ce que c'est? De l'herme. OK, bon, on m'a aspergé de l'herme, et puis j'ai germé, et puis me voilà, germaine. Et monsieur Saint-Tabarouette, penses-tu que tes enfants vont germer comme ça? Dans mayonnaise? Ah, mon... En tout cas, là, tout le monde a pédalé. Et puis là, à un moment donné, le pilote s'est dit, ben, on est trois pilotes, on va piloter. Non, mais dans la tête, ça se met à fonctionner. C'est comme des hamsters. À force d'avoir 250 passagers, vous sentez, hein? Pédaler de même, là, ça brassait dans l'avion, là. Puis, à un moment donné, ils ont levé le manche, puis on est parti. Puis là, il y avait un bon vent. Là. Moi, comme j'étais option plus, une fois que l'avion était en haut, presque entre les nuages et le dessus du nuage, des nuages, on m'a présenté le mousseux. Option plus, mousseux. Merci, madame. Prends le mousseux. Petit verre en plastique. Petite coupe en plastique. Mais la coupe en plastique était brisée par le dessous. Je verse le petit mousseux. Je mets ça sur l'étagère. Je baisse l'étagère. On avait pompé. On disait... Je verse mon mousseux. C'est la soie. C'est dans le mousseux. Le sel de mon front tombe. Ça faisait plus de mousse, là. Hein, le concept? Mon père, quand il voyait qu'il n'y avait pas de brou dans sa bière, il rajoutait du sel. « Oui, on va mettre du sel. Hey, on n'a pas travaillé pour rien ce soir. » Et puis moi, c'est ça, là. Sans le savoir, mon front, ma sueur, était, bien sûr, dans le verre. Et puis là, je me rends compte que ma table était tranquillement devenu un océan de mousseux. Hein, voyons, non, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte que, après à peine 10 secondes, mon verre avait un problème technique. Fait que là, je commence à pomper le plateau. Fallait un gars qui... Il y a de la boisson! Bon, mais écoute, on a un rôle à jouer dans la société. Fait que là, je pompe le truc. Là. Hein? Et puis là, je me dis, plus jamais, m'en mettre ça là-dedans. Là. Wow! Là, je dis, si je bois ça dans la bouteille, de quoi arrange l'air? En même temps, je me suis dit, on s'en foutu de quoi on s'en tamponne le boyau. chenille de la mayonnaise. Moi, je fais, ah ouais, donc, lâche la petite bouteille, 200 millilitres. 8 gorgées, à peine, mini-gorgées, 8 mini-gorgées. Un peu comme les bourgeois, là. Les bourgeois, c'est de l'égorgeon, plus ça. 8, fini. Que là, moi, j'avais pas dormi depuis à peu près 42 heures, puisque j'avais travaillé 12 heures avant de prendre l'avion dans une entreprise qui ne se mentionne pas, où l'esclavage encore une place prépondérante au Québec. En tout cas, j'avais travaillé là, et puis, les petits mousseux, là, ça allait bien, là. Ouais, oui, y'a moi de la chanter, la blablabla, de danser, la blablabla. Non, j'étais plus tranquille que ça. Et puis, là, à un moment donné, on commence à planer, hein. Je veux franchir les murs du son. Mais là, j'écoutais Daniel Boucher. C'était merveilleux. Le spectacle qu'il a fait, là. La patente. Et donc, dans la patente, j'étais pris dans patente avec Daniel Boucher. Et puis, là, à un moment donné, ben là, on arrive, on me dit, vous voulez... Parce qu'on a droit, nous, quand on est option plus, d'avoir 5 choix de mets. Mais c'est ça, je vais prendre celui-là, là, avec badigeonner de mayonnaise. On sait jamais, ça peut faire des enfants. Oh non, si c'est cette mayonnaise-là, non, pas vraiment. Et quoi, vous dites, des œufs de saumon. J'aime pas le saumon, mais si ça ferait, ça effraie, ça fait peur aux enfants, j'en prends pas. OK, alors qu'est-ce que vous avez? Oh, OK, végétarien. Je suis pas encore rendu là, moi, là. On dirait que j'aime ça de la viande, moi, là. Faut que ça saigne, faut que ça saigne! Poum, poum, poum. Y avez-vous quelque chose de je sais pas, le vivant, là? Mademoiselle, est-ce que vous vous offrez? Ah non, appelez pas le pilote, là. C'est une blague. Voyons donc. Alertez pas le peuple, là. Appelez pas la police, là. On va descendre, puis ils vont m'arrêter. On a pédalé pas pour rien, là. C'est une... Non, non. Je retire ma blague. Je vais prendre, je sais pas, du poulet. Donnez-moi du poulet. Bon, là, le poulet. Avec une crème marseillaise. Hein? Plus personne... Ah, non! Hey, non! De la crème belge. Parce que plus personne a cet accent-là. Il paraît. Sauf Brel à la télévision. Si vous voulez badigeonner de bonbons, des bonbons mous. Ouais. Plus c'est mou, plus c'est liquide, normalement. Je ne sais pas si vous, dans l'avion, là. C'est tout fait au micro. Il n'y a pas de chef cuisinier dans... Voyons donc, vous. Moi, je n'ai pas n'importe qui, moi, la champion plus, moi, là. J'ai payé 100 quelques dollars de plus. OK, non, c'est pas... OK, c'est pas, le privilège de manger avant tout le monde. Ah, OK, parfait. Moi, je vais prendre du poulet. Mais mettez ce que vous voulez dedans. Puis j'aimerais surtout, dans mon poulet, avoir du poulet. Hein? Bon. Et puis là, on est arrivé à Paris. On est atterri. Bon, tout le monde est heureux. On n'a pas applaudi. On applaudit juste au Québec. Hein? Québec, là, hein? Ouais, non, on est des colonisés, des imbéciles, des caves. On applaudit. Hey, on n'a pas tombé. Je suis gêné, moi. Je descends dans la soute de bagages. Je veux pas être mêlé à ça. On fait pitié, des fois. En tout cas, spectacle vivant pour citoyens agonisants. Le rock'n'roll roule sur l'énergie. Ah, ça, c'est des citations en passant, là. Et je suis très heureux de vous faire partager ce soir ma première rencontre 2015. Et c'est pas n'importe qui. Une grande dame qui se situe entre Édith Piaf et, à mon avis, là, Philippe Léotard. Vous allez voir. J'espère que Kélina ne m'en voudra pas. Au contraire, c'est vraiment très flatteur. Spectacle vivant pour citoyens agonisants. Le rock'n'roll roule sur l'énergie du désespoir. On va mettre de l'écho parce que Gilbert aime ça, l'écho, lui. On répétait. On répétait. On, oui. Spectacle vivant pour citoyens agonisants. Le rock'n'roll roule sur l'énergie du désespoir. Tu peux descendre, Pierrot. Les philosophes ont décroché la lune. Si tu marches pour la paix, explose de joie. Une petite dernière pour la route. Oublions-nous dans l'oublon. On recommence. Oublions-nous dans le houblon. Oublions-nous dans le houblon. Oublions-nous dans le houblon. Il y a le désespoir qui fait du bien. Il y a le désespoir et c'est demain. Heureusement que le désespoir, c'est juste demain. Si c'était hier, ce ne serait pas à refaire. Alors là, j'ai voulu écrire un texte avec trois mots que j'ai lus dans une liste de mots cachés et qui étaient les suivants. Opposé, matinée et... quoi? Et morsure. À l'opposé de la nuit, où la matinée commence à exister, ma morsure sur ton cou tient-elle encore le coup? Je répète. À l'opposé de la nuit, où la matinée commence à exister, ma morsure sur ton cou tient-elle encore le coup? Il se prend pour le vampire. Dracula. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Hein? Aux extras. C'est extra, un maudit blues. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Aujourd'hui, le vendredi 7 août. 7 août, 7 août, 7 août, 7 août, 7 août. Non, c'est pas, c'est pas tout. Non, arrêtez. Restez sur CKRL. Ce n'est pas tout, ça commence. Et ce n'est pas fini, ce n'est rien qu'un début. Aujourd'hui, le vendredi 7 août. Août 2015, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une réalité narrative, unissons-nous autour de la comédienne Elina Dumont. Elina Dumont est une comédienne. C'est comme un mouton dans le fond du bouchon. Voilà. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la comédienne où sa vie est aussi inoubliable que notre sublime rencontre, Elina Dumont. Elina de la DAS, c'est-à-dire qui a été remis à l'accouchement dans une crèche, pour faire simple, de la rue à la vie, l'ancienne SDF, sans domicile fixe, c'est ce que ça veut dire, monte seule sur scène et dépasse avec humour les trupitudes de son ancienne vie, se voulant porte-voix de ses anciens compagnons et compagnes de Macadam, qui se résigne en silence. Coquette avec son haut légèrement décolleté. Et moi, c'était pas décolleté quand je l'ai rencontré. Et son discret... Ah oui, elle avait des boucles d'oreilles et des belles lunettes foncées. Elina Dumont ne porte plus l'épaisse carapace de tissu qui la cachait des regards et des passants. Nous l'avons rencontrée grâce à des recherchistes

T'as raison là-dessus. Hein. Hey, mais c'est dommage. C'est plus facile hein, pour les gens. Hein. Oh, oui, parce qu'on arrive rapidement à un raisonnement de... Ah, c'est un feignant, c'est un cinglé. C'est ça, c'est plus facile de dire ça. C'est un marchand. Parce que essayer de comprendre, ça veut dire... Ça demande un investissement, une réflexion. Oui, puis un effort. Et on, oui, mais on ne veut pas réfléchir, on veut du préfabriqué. Oui, voilà, exactement. Et souvent, quand on rencontre quelqu'un, ça va bien, on dit oui pour ne pas te raconter. Ouais. Écoute, hier, oui, ça va bien. Ouais. Les gens... résumé, ça va bien. Ouais. Et moi, ce qui me fait plaisir de te rencontrer, parce qu'on se rencontre ici sur Montmartre. Oui, mais j'adore en plus ce quartier. C'est beau, hein? Ah, j'adore. Je vois de faux marins, je vois leurs petites navigations, leurs yeux perdus pour rien au loin, leurs petits meurtres clandestins. Je vois la fausse ivresse dans leurs gestes, la fausse houle dans leurs voix. Il n'y a rien qui reste de ce qui fut leur joie. La mer seule survit à leur noir vaisseau. Je vois les ronds qu'ils font dans l'eau, les fausses fleurs qu'ils mettent à leur cœur. Je vois la nuit qui monte au cœur des jeunes filles. Je vois leurs yeux qui brillent, leur fierté, notre honte. Je sens leur sang qui compte les coups de la peur. Il est plus tard que tu le penses et plus amer que de ton cœur. Et je les vois rêvant d'être un jour la première, l'Emmanuel, la messagère. D'être un jour la première femme libre de l'univers. Mais je la vois qui pleure. Je vois de gros grands ragrins d'ogres, avides mais sans yeux, cachant sous la défroque la peau du personnage. Je vois la rage de leur âge, la bave à leur baiser. J'apprends la haine à leurs idées. Il n'y a rien de juste dans ce qui fait leur loi. La mort seule sourit à leur vie de tombeau. Je vois leur ville, leur ghetto, leur vie sauvage, leur zoo. Je vois des enfants fous à force de pourrir. Je vois des enfants sages à force de mourir. Je vois des enfants rois qui ne sont jamais ce qu'ils ne peuvent plus ni dire ni cacher. Qui les aident à rêver d'être un jour le premier. Le prophète, le messager, être un jour le premier homme libre du monde entier. Mais je les vois qui saignent, sans couronne, sans règne. Je vois de faux marins, je vois leurs petites navigations, leurs yeux perdus pour rien au loin, je vois leurs petits meurtres clandestins. Je vois la fausse ivresse dans leurs gestes, la fausse houle dans leur voix, il n'y a rien qui reste de ce qui fut leur joie. La mer seule survit à leur noir vaisseau. Je vois les ronds qu'ils font dans l'eau, les fausses fleurs qu'ils mettent à leur cœur. Je vois la nuit qui monte au cœur des jeunes filles. Je vois leurs yeux qui brillent, leur fierté, notre honte. Je sens leur sang qui compte les coups de la peur. Il est plus tard que tu le penses et plus amer que n'est ton cœur. Et je te vois rêvant d'être un jour la première. L'Emmanuel, la messagère, être un jour la première. La première femme libre de l'univers. Mais je te vois qui pleure. on en meurt. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Ça tourne. Action. Cinéma. Un homme vient me voir et il me dit, monsieur, il faut que vous m'aidiez. J'ai des idées de gestes sans maladresse, de voix inouïes, de sueurs incalculables. Je vois un homme. Et malgré cette forte lanterne que vous apercevez là, au bout de mon stylo, je ne parviens pas à en souligner les contours, à en noircir les ombres. Je voudrais l'ourler en quelque sorte, ce personnage que je n'ai fait qu'ourdir. Pas plus que vous-même. Et je sens que ma lumière baisse. Je n'ai lu aucun livre. Je me souviens seulement que la chair n'est triste que morte et qu'il faut sans cesse en concevoir une autre pour se réjouir. Mais je vous demande, serais-je seul? Et à ce moment, l'homme sourit avec réserve comme un qui, ayant apporté un cadeau, ne sait pas s'il sera apprécié. Et il me dit, j'ai là le concours d'un gaillard qui aime comme nous la lumière et un autre ami qui, à l'aide d'instruments très perfectionnés, peut capter votre voix et la faire entendre de tous pendant que nous montrerons vos gestes. De tous, dites-vous? Ce n'est donc pas pour vous seul que je dois représenter? Mais l'homme répond finement, si c'était pour moi seul, je n'y aurais peut-être pas pensé. Je ne me serais pas souhaité autre si j'avais été le seul. Je ne suis même pas sûr qu'il y aurait eu un deuxième homme si j'avais été le premier. Qu'en pensez-vous? Je pense à mes pieds, mes mains, ma poitrine. Je pense que vous allez y mettre votre étreinte, votre aspiration. Cependant que sous le regard de tous, je vais, moi, entrer dans la lumière. Cerner, hurler comme vous dites, et que j'aurai à y répondre même de vos reflets. Et à ce moment, l'homme se tait, ou ment. Il se tait comme une femme qui souffre. Ou il ment comme un homme qui à toute force veut jouir et est prêt à dire je t'aime, comme un sacrilège expiatoire, comme s'il prenait sur lui tous les faux je t'aime du monde pour s'en punir, pour que son ombre se lève de lui, pour que son âme se détache de lui et paye de son éternité qu'il ait pu dire « J'ai aimé ». Et je lui dis, monsieur, vous connaissez l'amour, n'est-ce pas? Vous êtes gros de cet enfant qui m'attend pour naître et vous me demandez de l'aimer aussi à l'avance. Apprenez ceci. Pendant que vos douloureux mensonges se taisent, je serai, alors et là-bas, une femme. Qu'on ne me dise pas je t'aime et s'en aller. Je vous demande en effet, dit-il, de me donner votre foi sans me connaître, d'aimer avec moi la même image imprévisible. Oh, cela est aisé, comme mourir quand la curiosité devient trop forte. C'est vouloir me donner la folie de croire que le jeune Isaac ne tombera pas sous mes coups. C'est à survivre au sacrifice, en somme, que vous m'invitez. C'est à me rendre magique, car l'enfant devra jaillir par mes pores, mes yeux, ma bouche. Ne l'oubliez jamais, pendant que vous mesurerez vos abîmes.

Ben, je vais y aller. OK. Ben oui, même au Québec, si tu veux, ben je viens. Oui, ben oui, ben écoute, on est prêt. On est prêt, mais on va faire ta pub, là. Comme, ah ben oui, on va faire ta pub. Et comment dire... j'adore la Belgique. Hein. Je connaissais ben, pas. On mais... ressemble étrangement aux Belges. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Je vais dans le sud de la France, je vais jouer aussi à Marseille. Ah, le sud de la France, hein, ouais. T'es pas chanceuse, le soleil. Ouais. Ah, la j'adore. Mer. Ouais, j'adore, j'adore. Non, non, mais ça va, j'ai plein de. J'ai des dates. Et toi, ton enfance, ça a été difficile parce que ta mère était alcoolique. Pourquoi qu'ils mettent pas de l'acide, man? Dans les bords de chocolat, on serait peut-être bien moins stupide, man. Serait toujours bien mieux que c'est là. Tu vois-tu le premier ministre? S'apercevoir qui s'attaque, il pourrait enlever sur sa liste. C'est mon 10 hélicoptère de guerre. Tu vois-tu toutes les blasées qui se lamentent que la vie est plate, plate. Il pognerait-tu de quoi d'après toi quand ils boufferaient leur Kit Kat? Pourquoi qu'ils mettent pas de l'acide, man? Dans les bords de chocolat, on serait peut-être bien moins timide, hein? On parlerait d'autres choses comme nos chats, même si c'est pas grave pis que ça blesse. Même si ça se lève tout seul comme ça, là. Ça chie dans le sol, hey, reviens pas. C'est rien de valeur que ça parle pas. Parce que le bon Dieu a voulu ça, pogné dans son laboratoire. On n'est pas plus chanceux que des rats, comme si on était tous des poires. On pense mûrir, on pourrit là. Ainsi, comment trouver l'espoir, hey, si on parlait chocolat? Pourquoi qu'ils mettent pas de l'acide, man? Dans les bords de chocolat, la vie serait claire et limpide, man. Tant que la mort battrait pas bon, on s'entend là-dessus. Et... Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Call me lazy. Through the lack of red meat, everything was getting hazy. Friends looked at me and said, man, you gotta be crazy. lady said, son, you better get yourself together. Never mind the fools who know what we're into. A 40-mile walk will do us both a world of good. And he sat down, watched me take off down the road. Begin to bleed. This was good for me, I just couldn't see it. A motorist picked me up and said, look, man, you must be crazy. My lady came to see me in a hospital bed. Well, at least I knew that my lady really cared. After giving me a second-hand road, he said, where's your donation, man? It's all for a good cause. He left me all alone to work the riddle out. But I just couldn't make it, so I began to shout. They stuck a hypodermic deep down into me, saying, look out, nurse! Little rows contrasting against the sky. Tumble down black shacks over the tracks. Children so hungry they could cry. The chrome, the steel, the metal dream, leaving the teepee to rot. The escapist young mind left behind, saving dimes for community pot. You better get straight. You better get straight. they fail to see the neighbor's eyes. The TV is on, 6 o'clock news, and the channels are full colored lies. The company meets, the president speaks, his young but his bones creak. Young girl dresses for the high school dance, and the guy next door is dying for a beat. Get straight! Bible in the drawer of the motel room, and it's crying out to be read. But it stays right there, collecting dust. No one understands what's being said. Lovers make love in concrete boxes. What will tomorrow bring? They've been told that it's wrong, but they don't give a damn. Soon another life it will bring. You better get straight, baby. Because

On ne sait jamais à qui la faute. C'est comme la guerre. Et puis la mort aussi. Il y avait cet écrivain que j'aimais, Jean-René Huguenin. Baiser lourd les réglementaires de sa part. Qui allait mourir, qui était mort, tout simplement. Jusqu'à ce qu'elle se livre rouge. Il avait écrit dans son journal sur les rives de je l'amour. Je ne dirai jamais plus je t'aime. Ou quelque chose comme ça. Ce sont les derniers mots de la chanson, n'est-ce pas? Et pour ça, la Macao. C'est que j'avais lu dans le faudrait qu'il journal chaud. Que le restaurant de Maxime dans un Macao. Comme on dit. Avec faudrait qu'il fait chaud. Mais c'était un jour aussi où il y avait eu en même temps beaucoup de centaines de morts au Liban, je crois. Oui, c'était après le Vietnam. La Chine, c'est autre chose. Il y avait la révolution culturelle. J'irai bien sûr voler la route de la soie. Toujours le petit livre rouge de Mao Tse-tung. Mon avion et moi. Mais il y avait eu aussi Nicolas Polo, Marco Polo et la route de la soie, tellement bombardée depuis. Regardez de très haut les seigneurs j'étais de la guerre. J'étais assez jeune, assez grand et fort pour la guerre. Et brûler la terre. Parce que j'étais né sous les bombes et je n'avais jamais de chagrin parce que je lisais toujours beaucoup de livres. Mais sur les pas de Marco Polo, mon cœur n'était pas conforme. Retrouver ma honte. Régiment étranger de Prague, je disais. Je ne sais jamais. Voler vers Paris la nuit. J'oubliais la guerre. Jusqu'à frôler la tour Eiffel. Pourtant, elle était partout, avec de moins en moins de pouvoir, de plus en plus d'horreur. Mais, tu sais, à Paris, rien de tout cela n'a jamais empêché personne de baiser. Ou au moins de l'exposer toutes mes amies. Moi, c'est vrai, j'aurais drôlement bien voulu être fiancé d'une jeune garde rouge. J'ai trouvé joli. On voyait plein. Je n'étais pas marié du tout. Je désirais toutes les femmes. Et j'ai cru aimer. J'irai bien pleurer ce soir à l'eau qui règle les pins. Tu sais, la victoire et la dans défaite. Dans le Finistère Nord. Ça se traduit par des larmes. À l'amour comme à la guerre. Perdu dans le passé, accroché au rocher. Que l'ombre de la peine. Où mon cœur se mais brise. Mais avec certitude que la guerre vous a trompé. Que l'amour était menteur, comme l'odeur de la poudre. Seul dans mon impair, à Quimper. Jusqu'au bruit des armes. Je suis qu'un marin à terre. Alors cette douleur dont la trace était vaine. Seul dans mon impair, à Quimper. On est tenté souvent d'y voir. Je suis qu'un marin à terre. Au moins on a pleuré. J'étais indifférent, j'étais beau, j'étais grand. Et s'arrachait le cœur comme on dégrafe une grenade. Serrait pas les dents. Avec les mêmes océans solitaires tout autour, comme avant. On va bien on sur les tours. On parlait de loin, je répondais de haut. Comme si on voulait se réchauffer avec des cendres. J'ôtais pas mon chapeau. Et un jour, on est ivre. Dans sa macao. Dans les bars, pour boire davantage, on a plus la même chose. Tout mêle à la main. Dans sa macao. Fallait qu'il fait chaud. On se débarrasse en faisant le malin avec sa vie. Qu'est devenu mon cœur imperméable à la peine. On a découvert les voluptés de l'aviation civile. Mon corps prêt à tout. Les 95 kilos n'ont rien et perdu. Et ma cervelle au bout, qu'est-ce qu'elle fout. Mais on se jure qu'on se contente surtout de mourir. Surtout ne veut pas dire je t'aime une prochaine. Il faut le miracle que je t'ai rencontré pour finir par faire une chanson de tout cela. Surtout ne pas dire je t'aime une prochaine fois. If you're black and gotta work for a living, this is what they say to you. They say that who's white? All right. If it's brown, stick around. But as you're black, brother, get back. Yeah. When the factory got a number in the line, they call everybody's number, they never did call mine. On y va? Wow. On y va, les mecs? Now, how about going on? Ok, ça tourne. Allez! En hommage à Jacques Prévert, j'écris en vers. « comme on écrit contre tous. Comme on écrit en vain. Comme on en est en sang. Comme on donne en mille ce qu'on reçoit d'un seul. J'écris comme on écrit en tir automatique. D'une main. Comme on va et vient. Comme on éclaire la table où gisent les cartes. Quand on flambe. Comme on s'enflamme quand on s'allume. J'écris comme un interrupteur de lumière. Je ne fais pas semblant, mais avec tout un jeu de mots noirs, je fais partie du clandestin. Je voudrais être le clown qui danse sur la peau d'éléphant qui recouvre mon cœur, mais... J'écris au coin, au bas de la vie, à genoux, à cheville, sur l'écorce du monde, où pissent les chiens. Je fais de chaque mur un lascot du verbe, mais je ne touche pas au visage des choses. Je leur vise le ventre. J'écris au flanc. Comme on se couche dans la tranchée, où se cassent les pipes, au milieu du plus beau des champs désespérés, parmi les hécatombes. Je m'emballe, moi, pendant que tourne inutilement le monde accroché à sa queue. Je m'emballe, moi, pendant que l'enfant retourne incrédule l'image des guerriers. Je m'emballe, moi, je mâche les mots de la mort, muet, à l'écoute, collé aux membranes, dans les signaux hurlants de la folie humaine. Et si je peux, je danse. Je parle de notre régression avec les mots qui restent. J'écris dans la stupeur, voisin de l'imbécilité, non loin du zéro du cœur, le plus près que je peux de la ligne imaginaire, pour ne pas laisser le bonheur en paix. À se démettre de son pouvoir liquide. J'écris pour me taire. Et en 2001, Marie, en fait, grâce à un livre, elle a un best-seller qu'elle a fait qui s'appelle Sans moi. Elle raconte notre rencontre, qui était improbable, parce que une fille comme moi rencontrait. Une femme de sa prestance, ça paraît... Mais sauf que elle... Est-ce que tu connaissais sa notoriété ? Non, elle n'était pas connue à l'époque. Okay. Non, elle n'était pas connue. Elle a été connue après. À l'époque, moi, quand je l'ai connue, c'était une simple... En fait, c'est grâce à toi, parce qu'elle te racontait... Mais je dis pas que c'est grâce à moi. Parce que c'est votre vie. C'est... Voilà, parce qu'elle, à l'époque où je l'ai rencontrée, elle allait pas bien non plus. Donc, en fait, on est deux personnes qui allaient mal, sauf que moi... Moi, je savais même pas que j'allais mal. Tu comprends ce que je veux dire ? Elle, elle le savait, même quand elle pleurait, je disais toujours « Mais pourquoi elle chiale ? Qu'est-ce qu'elle a encore à chialer ?» Je comprenais pas. Parce que moi, pleurer pour une histoire d'amour, mais c'est ridicule. Alors que moi, j'avais rien, moi. J'avais juste une chambre de bonne de 7 mètres carrés, quoi, tu vois. Et c'est vrai que la seule chose que je n'ai pas encore aujourd'hui, j'ai de l'empathie pour la souffrance.